Micro ouvert. Les mots ont des oreilles. Ont des oreilles. Qu'en pleurer. Heureusement que le rire existe. Le rire, cela fait du bien au cœur et sûrement à plein d'autres parties du corps. Si nous ne rions plus depuis quelques jours, on pourrait se dire qu'il y a un problème. Si nous ne rions plus depuis quelques années, ça pose vraiment, vraiment un gros problème. Rire en pleurer, pleurer de rire, c'est bon, tellement bon. Oui, c'est vrai, je sais pas si ça vous arrive, si ça vous est déjà arrivé d'ailleurs, de pleurer à en rire, enfin de rire plutôt, et d'en pleurer tellement c'est bon, quoi, tellement il n'y a pas de mots, tellement c'est une émotion, waouh, c'est génial comme sensation. Et donc on pourrait se dire aussi que rire de soi-même, bah allez, une fois par jour, rire de soi-même, comme ça on redescend un peu, rire de soi-même, au moins une minute par jour, allez, se foutre de soi-même, pourquoi pas. Aujourd'hui rencontre dans Micro Ouvert d'un monsieur qui s'appelle Bernard Mouffe, qui est avocat, il le dit, mais ce que je pourrais dire c'est que l'intitulé de ce micro ouvert, c'est « Le droit à l'humour ». J'allais dire « Le droit et l'humour », c'est pas la même chose. Bernard Mouffe a développé une thèse sur le droit à l'humour. À l'humour. Allez, c'est parti. Rencontre réalisée en collaboration avec Noémie. Voilà, nous y sommes. Grande première ici. Bah, c'est un peu toi qui fais le lien, Noémie. Alors, je te laisse présenter un peu Bernard Mouffe, c'est comme ça qu'on dit. Mais bon, ça peut. Je peux te laisser aussi te présenter directement, c'est peut-être plus simple. Après son biscuit. Voilà, donc je m'appelle Bernard Mouffe. J'ai pas choisi le nom, mais c'est comme ça, hein, j'y peux rien. C'est un nom bien belge d'ailleurs, ça c'est un homme, c'est comme ça. J'ai rencontré Noémie dans le cadre de projets théâtraux. Je fais du théâtre depuis une vingtaine d'années. Je suis par ailleurs avocat au barreau de Bruxelles depuis 13 ans. Mais donc j'ai introduit une proposition auprès de mon ancienne université, qui est une université catholique ici à Louvain, qui est une plus vieille université européenne. Après avoir m'être inscrit au barreau de Bruxelles, et n'avoir jamais imaginé un parcours universitaire, je me suis dit soudain, tiens, mais tout compte fait, j'ai commencé à rédiger des ouvrages sur le droit de la presse, sur le droit de la publicité, et puis je me suis dit, tiens, l'humour, a priori, ferait un très bon sujet d'ouvrage en droit, puisque ça paraît assez inconciliable. On imagine mal qu'un juge sérieux, etc., se mette à faire droit à une blague de potache, et pourtant, on se rend compte que oui, tout compte fait, les juges, ils font droit, ils disent que on a le droit de faire rire, ce qui est assez fascinant. Et partie de cette idée-là, je me dis, tiens, mais je vais une manière un petit peu provocatrice, non pas faire un ouvrage sur la question, mais c'est développer une thèse, de voir dans quelle mesure et jusqu'où il existe un réel droit à l'humour, parce que souvent c'est considéré comme une exception. Évidemment, à partir du moment où vous mettez un seau d'eau sur la tête et que vous créez un dommage, juridiquement, il faut réparer le dommage. Mais souvent, le juge a tendance à dire, bah, allez, écraser, quoi. Écraser, pourquoi ? Mais parce qu'il fait primer l'intérêt des gens qui ont regardé, les 20 personnes qui ont ri, sur la pauvre personne qui s'est fait casser la figure. Ça veut dire qu'il y a une espèce d'intérêt social là-derrière. Mais à partir du moment où j'ai eu comme objectif d'en faire une thèse, c'est-à-dire de développer une argumentation en disant est-ce qu'il existe vraiment un réel droit à l'humour ? Est-ce qu'on peut se contenter de contourner le droit en disant mais tout compte fait, mon objectif seul est de faire rire. Et de voir jusqu'où ça allait. Alors bon, je n'ai pas fait exprès, mais enfin j'ai choisi une université catholique parce que j'en venais, hein, où ils m'ont regardé véritablement l'air de dire avec quoi vous venez, hein, c'est un peu inconcevable, on va peut-être changer le titre, on ne va pas mettre le droit à l'humour, mais le droit et l'humour, hein, on sent bien la distinction, quoi, du genre l'air de dire on est dans deux mondes différents, hein, y a nous sérieux, on fait du droit, on fait de la justice, et des espèces de ploucs qui font de l'humour, hein, qu'on est bien obligé de tolérer un peu, comme on dirait que... qu'on tolère des gens qui ne sont pas des gens marginaux, quoi. Hein, l'humour devrait être marginal. Et puis, petit à petit, j'ai quand même poussé pour le justifier. Mais bon, je ne suis pas dans le parcours universitaire, c'est-à-dire que je ne suis pas assistant, je ne dois pas essayer de séduire un patron quelconque. Je suis encore assez autonome et assez libertaire, j'aurais tendance à dire. Et donc, j'ai fait mon travail pour me rendre compte, en faisant une analyse vraiment des principes juridiques. Et là, on se rend compte qu'il n'y en a pas. Hein, il y a une petite disposition, mais qui existe dans le monde entier, sur la parodie, la caricature, qui prévoit une exception en matière de droit d'auteur, en disant, ben, si vous faites une parodie d'un ouvrage, vous ne devez pas demander l'autorisation de l'auteur originaire, parce que bon, il ne vous la donnerait pas, il n'a pas envie de se faire ridiculiser. Donc, on comprend bien que dans ce cadre-là, il y a une exception dite d'autorisation d'utilisation des droits, en disant, vous pouvez faire une parodie sans demander autorisation. Sous-entendu, il y a une liberté d'expression liée à la parodie, à la caricature. Mais c'est tout. Pour le reste, il n'est évidemment pas prévu dans le code pénal qu'on peut casser la gueule à quelqu'un dans le seul but de faire rire, non. Si on casse la gueule, on casse la gueule. Point, il faut indemniser. Et je me suis rendu compte qu'il y a d'abord, dans tout secteur confondu, quel que soit le secteur du droit, une quantité incroyable de décisions qui ont été rendues sous prétexte d'humour. Je ne sais pas, moi par exemple, il y a des cas fréquents, je ne sais pas, si vous volez quelque chose dans le seul but de faire une blague, mais ce n'est pas du vol. Et les juges pénaux qui se sont soumis, hein, quelqu'un dit, mais enfin, c'est scandaleux, vous m'avez volé quelque chose, vous précipitez en justice, vous dites, bon ben voilà, j'aimerais bien maintenant que vous condamniez ce type parce qu'il m'a volé. Et le juge dit, mais non, il n'a pas volé. Pourquoi ? Mais parce que son intention de vol n'existait pas. Et cette intention de vol, l'intention étant l'espèce... celle de récupérer l'objet animo domini, c'est-à-dire pour en devenir propriétaire soi-même. Ce n'est pas le cas, à partir du moment où c'est qu'une blague. Mais ça peut aller assez loin, il y a une décision assez récente du Conseil de guerre, et Dieu sait comme les militaires ne sont pas des comiques, hein, en général, où un bête militaire, on va dire, bon ben, hein, c'est presque un pléonasme, mais enfin, bon. Un militaire avait, pour faire une blague à leur lieutenant, bon, il ne devait pas l'aimer, avait volé les plaques de Kevlar de son gilet pare-balles. Donc, c'est quand même une bête blague, hein, on retire les plaques métalliques, paf. Et il les avait récupérées, il les avait planquées dans une bagnole à côté. Et donc, évidemment, le lieutenant, pas content, les a fait poursuivre devant le conseil de guerre pour vol. Et le conseil de guerre a, en l'espèce, dit, ben non, il n'y a pas vol, pourquoi ? Mais parce qu'il volait. Qu'est-ce qu'il pouvait faire avec ces plaques de Kevlar ? Rien. Personnellement, ils ne pouvaient pas les utiliser, ils ne les ont pas volées pour les avoir pour eux, ils ont simplement fait une blague. Et cette blague est absolutoire du délit, ce qui est quand même assez impressionnant. Hein. On se retrouve dans une situation... Alors évidemment, tout s'est bien passé. Hein. Le pauvre lieutenant ne s'est pas fait tirer dessus, il ne s'est pas fait descendre. Je suis persuadé que si évidemment il s'était fait tirer dessus, les conséquences de cet acte-là sont telles qu'on aurait évidemment condamné les deux pauvres types qui avaient fait une blague à leur lieutenant. Mais on se rend compte qu'il y en a une quantité incroyable comme ça. Je vais vous donner un autre exemple, parce que pour c'est toujours plus illustratif qu'autre chose. Hein, mais un patron d'une grosse société a décidé pour un 1er avril de détourner le journal habituel. Parce que bon, il y avait un périodique qui était sorti, qui était édité systématiquement dans la boîte. hein, dans lequel on disait que monsieur le patron machin truc a été négocié un extraordinaire contrat au fin fond des îles Fidji, enfin bon, tous des trucs très sérieux, très très chiants, hein, comme on peut l'avoir habituellement, mais ça sort tous les mois, ponctuellement, et bon, il y avait, je sais pas quoi, on vient d'engager 3 secrétaires, hein, on vient de licencier 3 autres, etc., etc. Et pour faire une blague de 1er avril, il y a un directeur qui a sorti un faux numéro le 1er avril, dans lequel il raconterait les vraies péripéties, mais en dessous, de la société. Monsieur le directeur B, il ne citait pas son nom, mais enfin on avait bien compris que c'était le directeur du personnel ou n'importe quoi, a bu pour la première fois de sa vie un verre d'eau, mettant de côté les multiples bouteilles de vin qu'il n'arrête pas de biturer pendant tout, etc. Et il a sorti la totale, les adultères, les coucheries, les machins, et tout dans un journal le 1er avril, entre guillemets. C'était le même titre, etc., etc., et c'était la vérité, hein. Donc c'était une sale blague quand même. Hein. Alors évidemment, 2 semaines après, pouf, le type se fait licencier pour faute grave. Hein, scandale, machin, truc, et pouf, la personne va en justice et dit, mais vous savez, bon, c'est pas une faute grave, parce que c'était une blague. Hein. Oui, mais il y a la réalité quand même derrière, c'était pas c'est de l'humour quand même méchant, hein, ça va loin, puisque vous dites exactement ce qui est vrai. Vous faites pas semblant que monsieur le directeur, monsieur le patron, n'importe quoi. Et ça allait sur tous les niveaux de la société. Et ben, le tribunal de travail et puis la cour du travail, tous les deux ont reconnu effectivement qu'il y avait l'exception humoristique. Hein? Donc, pas de faute grave, donc obligation de réincorporer le directeur en question. Ce qui quand même, ça montre quand même qu'on va loin, hein? Parce qu'une société de 100 personnes qui est obligée de tolérer ce principe-là, alors le juge modère sa décision, hein. D'accord, exception humoristique, cependant, nous faisons quand même la leçon à monsieur, prière de ne pas recommencer, quoi. Hein. Bon, le but n'est pas non plus de pousser cette exception dans des excès tels que n'importe qui pourrait s'en prévaloir. Mais ça veut donc dire qu'il y a, alors, toute la question est de savoir qu'il y a une exception, ça tout le monde est d'accord pour le dire, puisque le tribunal du travail ou le conseil de guerre, alors que le code, évidemment, ne prévoit jamais cette exception-là. Hein, il n'est pas mis... tu ne voleras pas, sauf si c'est par humour, non, ce qui est quand même assez surréaliste. Hein. Bon, hein, ou tu ne raconteras pas des saloperies diffamatoires à l'encontre de, ou des réalités à l'encontre de tes collègues. Non, hein. On est dans une situation assez bizarre, mais cette exception existe et elle est tellement importante qu'en définitive, elle conduit à un réel droit. Et c'est le meilleur exemple que je peux en donner, c'est parce que la Cour de cassation, aussi bien belge que française, canadienne, j'en sais rien, mais a conforté ce principe-là. C'est-à-dire qu'en France, il y a un cas qui est devenu évidemment emblématique, c'est qu'en général, le droit à l'humour est fondé sur la liberté d'expression. C'est souvent un mode d'expression, l'humour. Hein, on parle de manière technique, et c'est assez chiant de le dire comme ça, mais c'est parce que bon, le terme correspond sans doute à la réalité, de l'effet apotropaïque de l'humour. Je vais donner un autre exemple, puis je reviendrai à ma cour de cassation française, mais il y a eu le conseil de guerre, donc je l'ai dit, dans le cadre du vol, a accepté, évidemment, de considérer qu'il n'y avait pas vol. Mais il y a eu un autre cas dans lequel ils ont été moins comiques. Enfin, ils ont été moins comiques, ils ont fait moins droit à l'exception. C'était le cas de 2 casques bleus... qui étaient en ex-Yougoslavie, et qui se sont fait photographier à côté d'un cadavre, hein, dans un cimetière, auquel ils avaient mis une cigarette dans la bouche. La connerie qu'ils ont faite, c'est de se faire photographier. Hein. Cette photo étant arrivée, pouf, poursuite, et ils ont été poursuivis pour violation de sépulture. Pénalement, ça ne tient pas fort la route. Une violation de sépulture, ce n'est pas se faire photographier à côté d'un cadavre, c'est aller retirer de la terre un cadavre, violer la sépulture elle-même. Ce n'est pas le fait de faire quoi que ce soit avec un cadavre. Hein, pour prendre un exemple, mais bon, je dérape, hein, je me rends compte que je dérape, mais par exemple, la nécrophilie n'est pas nécessairement interdite. Hein, pénalement, n'est pas nécessairement interdite, c'est-à-dire le fait de faire quelque chose avec un cadavre, ce n'est pas nécessairement interdit. C'est interdit à partir du moment où il y a des recels de cadavres quand vous l'avez tué vous-même ou n'importe quoi. Mais, hein, bon, donc ça veut donc dire qu'il y a des dispositions pénales qui sont quand même, qui doivent être interprétées de manière raisonnablement stricte. Et en l'espèce, ici, le fait de se faire photographier à côté d'un cadavre, ce n'est pas, a priori, un délit. Alors, pour prendre un exemple, hein, je veux dire, vous avez un deuil dans votre famille, vous prenez une photo où il y a le cadavre et vous, personne qui va vous poursuivre à quelque niveau que ce soit. Ce qui choquait, c'était sans doute l'irrespect. Hein, le fait d'avoir mis la cigarette dans la bouche, et puis sans doute le fait de s'être fait photographier de manière pas dans une situation de deuil. Hein. Bon, j'imagine, bah parce que bon, j'ai pas vu la photo, mais Il n'empêche que le conseil de guerre est particulièrement agressif à l'encontre de ces deux militaires en disant c'est scandaleux, et il les condamne à Mac, mais à Mac fort, vraiment, pour violation de sépulture, parce qu'ils n'avaient rien d'autre. Ils n'ont pas du tout, alors. On sent vaguement que, et dans les attendus, on dit que, ils auraient dit que c'était pour faire une blague, mais on sent tout de suite que la cour a rabattu en disant c'est scandaleux, on ne fait pas de blague dans ce genre de secteur-là. Et ce qui se passe, c'est sans doute, malheureusement, hein, que contrairement à l'autre décision où là où ils ont considéré qu'il n'y avait pas vol, c'est une blague de potache, hein, c'est vraiment, c'est des imbéciles qui font ça, on est bien d'accord, mais des blagues c'est toujours imbécile, c'est jamais d'une intelligence suprême, hein. C'est pas pour rien que je fais ça au niveau de l'université, c'est pas, ça fait pas très sérieux, mais c'est comme ça, hein. Mais ça veut donc dire qu'ici en espèce, le conseil de guerre a refusé de tenir compte de cet effet apotropaïque. Et c'est quoi l'effet apotropaïque? C'est la meilleure manière de l'imager sans doute, c'est quand on se met à rire en plein milieu d'une séance, d'une situation de deuil. Ça arrive à tout le monde, ça. On se trouve dans une situation, quelqu'un est décédé, puis il y a quelqu'un qui se met à éclater de rire. Hein? Il y a ceux qui pleurent, il y a ceux qui rient. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'effet de compensation qui consiste simplement à dire « moi je suis vivant et toi tu es mort ». Et se réjouir, entre guillemets, de cette situation. Or, dans l'espèce, on en voit ici des militaires qu'on passe leur temps à former pour aller casser la gueule des gens, pour ne pas dire plus. Je veux dire, c'est leur métier d'aller tuer des gens. Et puis après, on leur les affuble d'un casque bleu, là, d'une espèce de chapeau de schtroumpf, en disant « maintenant, tu n'as plus le droit de tuer. Tu es prié de sauvegarder la paix, etc. etc. » Et à la rigueur, fais-toi descendre, mais ne tue pas. On arrive à une espèce de situation très très particulière de la guerre et de la paix, qui fait que ces gens formés pour tuer, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est leur métier quand même, hein, plus que pour défendre la paix, sans doute, c'est une conception assez bizarre, se retrouvent là dans des situations où ils sont obligés de se faire descendre. Et si on avait, je suppose que la cour militaire ou le conseil de guerre sont quand même les mieux placés pour gérer ça, si ils avaient pris conscience, et ils doivent prendre conscience du fait que la guerre actuellement, le fait d'envoyer des militaires dans des zones en disant « vous faites en sorte qu'il y ait de moins en moins de morts possibles » et que ces morts soient en définitive le moins civil, etc., etc., quitte à ce que vous y laissiez votre peau parce que vous êtes casque bleu, hein, et que vous n'êtes pas en situation de conflit, enfin vous êtes intégré dans une situation de conflit armé mais sans vous-même pouvoir taper dessus, il y a un moment où ça disjoncte. Et cette manière de disjoncter les pousse, je crois, personnellement, à faire ce genre de choses. C'est-à-dire qu'ils sont dans une confrontation où ils sont confrontés à la mort et ils l'intègrent. Ils font un grand éclat de rire, stupide, hein, on est bien d'accord, mais comme dans une chambre mortuaire parce que quelqu'un est mort et qu'ils y tiennent d'autant plus. Alors je ne dis pas que c'est brillant, hein, je ne vais pas commencer à dire « faites-le, allez-y », etc. Mais je crois qu'il y a une excuse psychologique, hein, que j'aborde largement dans ma thèse, parce que ça me paraît fondamental, dépendant de cet effet apotropaïque, hein, c'est pompeux de le dire comme ça, mais tout le monde le comprend, que le rire, c'est ça. Que dans une situation sociale, par exemple, il y a un moment où le directeur du personnel trouve normal de mettre noir sur blanc sur une feuille de papier ce que tout le monde dit tout bas, est-ce qu'il passe de bouche en bouche des secrétaires, etc., etc. C'est ça qui est mis en avant. Et ce droit de révolte, entre guillemets, c'est pas pour rien que le droit à l'humour, pourtant qu'il existe, hein, parce que bon, c'est l'objet de la thèse, est associé à d'autres droits de nuire à autrui. Ça existe, le XXe siècle a introduit ce genre de notion-là, comme le droit de grève, par exemple. Ça fait plaisir à personne, hein, le droit de grève. Mais c'est un droit qui est légitime. C'est un droit qui perturbe, et c'est un droit de révolte, évidemment. Mais l'humour doit être utilisé comme le droit de grève, ou comme le droit de critique, par exemple. Ça ne plaît jamais à personne quand on a une mauvaise critique. Mais la liberté d'expression induit cette légitimité-là. Et donc je considère que, comme le droit de grève ou le droit de critique, le droit à l'humour existe en tant que droit. On a le droit de le revendiquer. Alors le tout est de savoir dans quelles limites. Il est évident que si, et ça tout le monde est plus ou moins d'accord pour le dire, si maintenant l'humour cause des dommages physiques, hein, si par exemple on met une peau de banane sur un trottoir et que la pauvre femme se casse la figure, je ne sais pas pourquoi je dis une pauvre femme d'ailleurs, hein, se casse le fémur, il est évident que la personne qui a mis la peau de banane assez logiquement doit payer les frais d'hospitalisation si véritablement elle est la cause de cet élément là mais on pourrait soutenir que la pauvre femme aurait mieux fait de me regarder où elle mettait son pied, hein, c'est possible aussi, c'est un autre problème, mais là sur tout ce qui est dommage physique il est évident qu'il faut intervenir. Par contre, pour tout ce qui est dommage moral, non. Ça fait partie du jeu. plutôt que la sensibilité de la personne, qu'elle se sente vexée parce qu'on dise des choses vraies ou n'importe quoi, il faut l'accepter. Là, j'imagine mal qu'un gros soit vexé et fasse chaque fois une procédure parce qu'on le traite de gros lard. C'est pas du alors c'est pas une blague non plus, c'est peut-être injurieux, etc. L'exemple est mauvais. Mais à partir du moment où on se moque de lui, ça fait partie de la vie sociale. Étant entendu qu'évidemment, lui, rien ne l'empêche de se moquer de celui qui est en face en disant qu'elle est blonde. Point. Hein. Chacun a ses défauts qui conditionnent cette possibilité d'expression de... Et bon, qui fait du bien, quoi. Soyons, arrêtons. Hein. Le juge a tendance, a raison, de dire « Ben moi, je privilégie les 20 personnes qui ont ri sur la seule personne qui rit pas. » C'est vrai. D'autant plus, et c'est la conclusion de ma thèse d'ailleurs, que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le rire, ou ce droit au rire, détient en lui-même sa propre sanction. C'est-à-dire que quand on fait une blague et qu'elle ne fait pas rire, c'est celui qui a fait la blague qui devient ridicule. C'est très bien, on ne peut pas faire mieux, quoi. Hein? Donc il faut doser sa logique, et puis bon, ben, on a le droit de le faire, si on rate son coup, ben, on se ridiculise. Donc c'est extraordinaire, c'est le serpent qui se bouffe la queue, c'est fascinant. Hein? Mais comment on peut faire maintenant cette thèse? Tu l'as écrite? Elle est où? Tu l'as publiée? Ça en est où tout ça? Alors donc, elle est écrite, elle a été rédigée, elle est transmise à mon comité d'accompagnement, etc. Donc ils sont des gens très sérieux, c'est normal, c'est leur boulot, ils sont à l'université pour ça. Moi j'avais estimé opportun de faire un ouvrage assez... parce que bon, il y a une 150aine de décisions de jurisprudence qui ont été rendues. Et sur les 150, je m'attendais à ce qu'il y en ait 3 qui disent oui au rire et tous les autres non, en disant ça y est, je vais militer, je vais rentrer avec mon effet apotropaïque, je vais écraser toutes ces décisions. Bon, non, sur les 150, il y en a 145 qui disent oui au rire, ce qui est quand même fascinant, en ce compris la Cour de cassation, donc les instances les plus importantes. Il y en a 3 ou 4 qui disent non, et c'est sans doute parce que c'est des mauvais coucheurs. Hein, pour prendre un exemple simple, parce que c'est assez fréquent, la matière du harcèlement sexuel, par exemple. Il y a une décision assez symptomatique dans laquelle un monsieur, pour faire une blague, et c'est bon, on en connaît d'autres, a décroché le soutien-gorge de ses employés à travers leur pull. Hein, donc, pouf, ça me paraît pas, moi, en tant qu'homme, quelque chose ni de très brillant, mais enfin, bon, c'est une blague classique, et ça me paraît pas scandaleux. Hein, bon, il n'empêche que la bonne femme, 3 ans après les faits, a été se plaindre devant le tribunal du travail, hein, parce que bon, la relation s'est envenimée, parce qu'il y a eu licenciement, et donc pour faute grave, hein, soi-disant, du patron, et le patron accusait cette femme de calomnie, en disant, ben, ce n'était qu'une blague, je ne suis pas un harceleur sexuel, je suis simplement un blagueur un peu... Bon, donc, des procédures devant le tribunal du travail, et la cour du travail, et puis devant le tribunal correctionnel, pour savoir si oui ou non il y avait harcèlement, outrage aux mœurs, etc., enfin la totale. Et on se rend compte que la juridiction dirigée par un homme, en l'espèce de juridiction du travail, a estimé que bon, c'était une blague. Donc il n'y avait pas évidemment faute grave, pas de justification, etc., etc. pour ce niveau-là. Par contre, les juridictions correctionnelles dirigées par des femmes ont considéré que c'était scandaleux. C'était scandaleux, ça s'identifiait à du harcèlement, point, sexuel. Alors que dans le cadre de la procédure, il y a d'autres employés qui sont venus en disant « Vous savez, on a subi la même chose, ça ne nous paraît pas terrible. » Mais elles se sont donc mises du côté de l'homme, elles ne sont pas mises du côté de la femme, en disant que par ailleurs, la femme, elle arrivait en mini-jupe systématiquement, qu'on voyait sa culotte, qu'elle n'avait pas de soutien par certains jours, etc. etc. Donc, hein, mais ça n'a pas empêché que les juridictions du tribunal correctionnel ont vraiment estimé qu'il n'y avait pas blague, point. Donc souvent, bon, les décisions qui n'y font pas droit, c'est parce que bon, ben, y a des points de vue divergents sur des faits équivalents. Parce que les faits sont évidemment les mêmes. Hein. Il n'était pas question d'imaginer des faits différents pour l'un et pour l'autre. Mais les décisions sont différentes. Ce qui fait remarquer qu'évidemment, on n'a pas la même conception de l'humour. C'est ce qui rend la matière difficile. Hein. On ne peut pas l'objectiver parce que bon, y a des choses qui font rire, il y en a qui ne font pas rire. Une des premières décisions de la Cour de cassation qui a eu à traiter du sujet, mais bon, c'est un mauvais exemple aussi. Ça reprend un cas de bizutage ou de bière de potage classique, c'est dans tous les garages, les apprentis garagistes se font à un moment ou à un autre envoyer le truc pour gonfler les pneus dans le derrière. Une fois sur deux, ils ratent le trou idéal, et hop, ça passe à côté, c'est une bonne blague, ça gonfle un peu le pantalon, et puis c'est bien. Une autre fois, pouf, ça rentre juste dans le bon trou et ça fait des violences à l'intérieur du corps qui sont terribles, paraît-il. Et entre autres, il y a eu un cas comme ça d'une personne qui est restée 6 mois à l'hôpital quand même. Hein. Parce que bon, on a beau dire, mais l'intérieur du corps, c'est pas comme un pneu, quoi. Donc, mais c'est une bête blague de potage habituelle. Ils n'ont rien d'autre, je sais pas, enfin bon, ils doivent enduire du goutron, de trucs, enfin des tas de trucs habituels, hein, le bizutage, il y en a, on a ça dans toute la société, quoi. Mais ce cas-là était un cas particulier parce qu'évidemment, il y a des dommages physiques qui sont importants. Et donc, la question se pose de savoir qui doit payer pour cet élément-là. La Cour de cassation, de manière systématique, a rappelé que, blague ou pas blague, il faut payer parce que ce sont des violences volontaires. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les conséquences sont involontaires, mais la disposition pénale est claire, il y a violence volontaire à partir du moment où on a, même par imprévoyance, on aurait dû prévoir les conséquences éventuelles de l'acte. Soyons clairs, le degré, et ce n'est pas du tout de la prétention, hein, mais il est évident qu'à ce moment-là, même si on est intelligent, on ne pense pas aux conséquences. On se dit, tiens, quelle belle blague, quoi. Hein, quand on met une peau de banane sur un trottoir, on ne se dit pas, tiens, j'espère que ça sera une bonne vieille femme avec un bon risque de... Non, on se dit, c'est la première personne qui arrive qui va. Hein, c'est comme le seau d'eau au-dessus de la porte, on ne sait pas qui y a derrière et qui va ouvrir la porte. Donc vraiment, il n'y a pas d'acrimonie de la part de celui qui fait la blague à l'encontre de celui qui l'a subi. Et c'est pour ça qu'on dit, bon, mais parfois c'est méchant, c'est vraiment méchant, et ce n'est plus, sous prétexte de blague, il y a quelque chose d'agressif, et on tombe dans l'injure, dans la diffamation, dans la calomnie, les prétentions sont là, hein. Ça existe aussi. Mais ce qui veut donc dire que ce qui est très important, c'est que la Cour de cassation maintenant, surtout en France, dans une affaire des guignols de l'info, là, c'est assez extraordinaire que ça passe là-dessus, mais on s'est retrouvé dans une situation où, qui est un cas classique de caricature et de parodie, donc qui est visé par la loi. On n'est pas, donc l'exception existe. Mais il y avait soi-disant une violation extrême, ils en faisaient trop. Hein. Et donc, en l'espèce, un patron de société française, de Renault, a poursuivi les guignols pour atteinte excessive, diffamation, etc., etc., en considérant qu'il n'y avait pas d'humour. Les juridictions de fond, toutes, d'un seul geste, disent ben, « Allez, humour, arrête, ris, hein, ça fait pas mauvais, hein, ben, un petit tremblement comme ça, vas-y, faut pas être coincé comme ça. » Mais bon, c'était argumenté en droit et fameusement, et c'était plus facile, puisqu'effectivement, on avait des dispositions légales qui l'autorisaient expressément. Hein. Et puis, évidemment, si on n'est pas le patron de Renault pour rien, hop, on va en cassation en disant on va bien trouver quelque chose. Et la Cour de cassation casse, effectivement, en disant, en l'espèce, le problème était celui-là, c'est que hein, on ne tapait pas sur... On tapait sur une personne. Hein, au-delà d'une marque, je ne sais plus quel était le slogan, mais du genre, on s'amusait, je crois, avec... Les guignols s'amusaient avec les... C'était Renault, Peugeot, je ne sais plus exactement, la 104, la 204, la 304, la 904, je ne sais quel truc. Et que la 904, c'était... Et puis une Mitsubishi ou je ne sais quelle marque japonaise, je crois. Hein. Donc il renvoyait à quelque chose d'assez ridicule, plus à monter au niveau français. Bon, c'est comme d'habitude, on connaît les guignols. Hein, mais... Bon. Et il y avait donc des arguties très très pointues, des pages et des pages de conclusion pour savoir si c'était Monsieur le Président qui était visé ou sa marque ou chose. Or, l'exception ne vaut pas pour les marques. Hein. Donc il y a toute une série de moyens pour, et c'est ce que évidemment le patron de Peugeot avait utilisé en disant oui d'accord, il y a des cas tout à fait spécifiques où l'exception est là, mais ça ne veut pas dire que cette exception doit pousser à me ridiculiser, à me... Bon, on peut faire de la parodie parce qu'il n'y a pas d'autorisation d'utilisation qui doit être demandée, mais on ne peut pas porter atteinte, ni à ma marque, ni à ma société, ni à moi personnellement, etc. Donc là, l'humour doit être circonscrit à cette petite exception qui est prévue dans la loi sur le droit d'auteur. Et la Cour de cassation dit effectivement, hein, petite exception, c'est le droit, pas plus. Hein. Et il renvoie évidemment devant une autre cour d'appel qui doit rejuger de l'affaire, en tenant compte de l'arrêt de la Cour de casse. Mais là, ce qu'on appelle la juridiction de renvoi, la Cour d'appel de renvoi, a dit, moi je suis pas d'accord, moi. Ça me fait rire aussi, moi. Paf hein. Et donc, elle refuse de se plier, comme on dit en droit, c'est-à-dire qu'elle dit, moi je suis d'accord avec l'autre cour d'appel. Vous, vieux magistrat, machin truc, vous n'êtes pas d'accord, mais nous, on est contre. Et alors, ce qui se passe dans ce genre de cas, c'est qu'on renvoie l'affaire devant la Cour de cassation, mais là, tous les magistrats de la Cour de cassation, donc c'est une assemblée plénière, comme on dit, à ce moment-là, ils doivent tous bûcher sur le truc en se disant, qu'est-ce qu'on fait? On maintient notre point de vue ou bien, en définitive, on se laisse porter par les juridictions de fond. Ben, ils ont eu, évidemment, ils ont eu peur de se ridiculiser. Ils ont fait quoi? Ils ont dit, bon, ben, les juridictions de fond ont raison. Hein? Nous, on... Allez, Très bien. Ça veut donc dire qu'ils ont cautionné en disant, ben oui, l'humour, allons-y, passons. Et on a la même chose en Belgique, où il y a une société flamande qui a décidé de lancer des t-shirts où il était marqué, c'était des faux Lacoste, enfin c'était des parodies de t-shirts Lacoste, sur lesquels au lieu d'avoir un petit crocodile tout seul, il y avait deux petits crocodiles qui étaient en train l'un sodomisant l'autre, etc. Enfin bon, ils s'amusaient un peu quoi. Hein. Et au lieu de voir Lacoste, il était mis Wacosda, hein. Ce qui en flamand dit « what cost that hein? ?» Combien ça coûte de faire ça, sous-entendu, hein? On sodomise. Là, donc c'était de l'humour très bon, lourd, tout ce qu'on veut. Idem, décision d'instance, décision d'appel, et puis la Cour de cassation doit se poser la question de savoir si oui ou non, une parodie de marque, puisqu'en espèce c'était ça, est-ce qu'on peut utiliser « what cost that » avec un petit... Hein, détourner le logo de la marque Lacoste, qui avait les moyens évidemment pour faire une blague, enfin bon, un détournement de sens qui est quand même, bon, moi je trouve ça sympathique, quoi. Hein, c'est normal, c'est à ça que ça sert. Et ben dans ce cadre-là, la Cour de cassation elle-même, en Belgique, il n'a pas fallu une assemblée plénière pour ça, hein, c'était une chambre flamande, évidemment, puisque bon, hein, a dit, ben oui, il y a des parodies de marque. C'est faux, hein, juridiquement, c'est faux, on n'a pas le droit de parodier une marque. Mais la Cour de cassation belge a dit, ben oui, allez-y. C'est quand même assez étonnant. Ça veut donc dire que même la Cour de cassation, et ce ne sont pas des gens drôles à la Cour de cassation, hein, ce sont des gens compétents, mais ce ne sont pas des gens drôles, mais ils disent, allez... Vous devez, vous, en tant que titulaire d'une marque, accepter cette petite atteinte portée à votre notoriété. D'autant plus, et c'est le professeur Françon, qui a dit que nécessairement, quand on fait des blagues ou des parodies ou n'importe quoi, c'est un peu amour-haine. C'est-à-dire qu'on doit nécessairement prendre une marque de référence, sinon ça ne marche pas. Si on prend une marque totalement inconnue et qu'on fait une parodie de cette marque, ça ne marche pas. Il faut nécessairement une marque qui ait déjà les reins solides et qui soit tout à fait capable de supporter ça. Et il le dit avec raison, il dit, mais il faut, c'est un honneur pour eux d'accepter cette atteinte à leur notoriété. Hein, ils se ridiculiseraient de ne pas le faire. Et c'est vrai, hein, c'est vrai, le patron de Renault, Peugeot, là où je ne sais pas quoi, s'est ridiculisé dans une procédure. Hein, et c'est tout. Donc les guignols en dessous n'ont plus que se réjouir d'être soutenus par le droit, comme ça en disant, allez, enfin, on se sent bien aimé, quoi. Donc c'est une matière plaisante, hein, parce que les juges eux-mêmes ont beaucoup d'humour pour ça. C'est drôle parce que dans les exemples que tu donnes, il y a soit le cas un peu du roi, tu vois, la grande marque ou le qui se fait ridiculiser par son fou là, et puis dans d'autres cas, tu as pris des exemples du directeur ou de qui se permet d'avoir un petit peu d'exercer son droit là de seigneur. À aller ridiculiser tout son personnel. Ou... Tu vois, il y a quand même un rapport aussi de qui a le pouvoir et qui s'en moque, non ? Ça ne rentre pas en compte du droit de quelle position de pouvoir tu occupes. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est comme... Tu comprends ? Tout à fait, mais c'est évident, hein, parce que l'exception naît du carnaval, hein, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'il y a une tolérance qui a toujours existé, hein, c'est la tolérance du 1er avril ou la tolérance du carnaval, c'est-à-dire un jour dans lequel les rapports s'inversent. Dans lequel le roi accepte de se ridiculiser. Il y a tout part de ce qu'on appelait la fête des fous, qui se faisait en général dans les églises, hein, c'était quand même assez comique, où le pire des ploucs allait jouer au curé et s'amuser avec l'Eucharistie. Mais bon, ça date du Moyen-Âge, hein. Ça n'a rien de nouveau là-dedans. Et quand on voit le carnaval à Lost ou n'importe quoi en Belgique, c'est la famille royale est fameusement écrasée. Hein, donc, et on doit tolérer ça. On doit tolérer qu'à un certain moment, le rapport de pouvoir s'inverse simplement pour que, d'abord, c'est un principe d'expression. Ce n'est pas une question de liberté d'expression. Il y a des choses qui se disent à ce moment-là et qui sont bien supérieures à. Hein, les caricatures, c'est le principe, nécessairement. C'est-à-dire que c'est un pauvre petit dessinateur qui se moque des hommes politiques, etc. etc. Mais les gens adorent ça, hein, en ce compris les hommes politiques eux-mêmes. Le rapport de pouvoir est inversé, mais il est nécessaire, je crois. Hein, c'est toujours mon éternel effet apotropaïque. C'est bon pour la santé. Dans ma thèse commence là-dessus, et bon, mais je sais que mon comité de je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un comité de cons. Enfin, je sais pas, ils vérifient ce que je fais. Enfin, ils ne sont pas nécessairement très contents de voir les citations psychologiques, sociologiques et surtout de santé que je développe. Mais il fallait, à partir du moment où il n'y a pas une exception qui est prévue dans la loi, il faut voir sur quoi ça se base pour justifier ça. Or, la justification est sociale. Elle est essentiellement sociale. D'abord, ça fait du bien de rire. On dit, mais allez-y. Alors, on ne peut pas d'un côté dire ça fait du bien de rire et ne pas donner des raisons de rire. Hein, c'est évident. On ne peut pas imaginer ça. Or, nécessairement, quand le rire se crée nécessairement au préjudice de quelqu'un. Alors, c'est facile de le faire quand on le fait loin. Hein, on peut dire, on peut rire des Noirs s'ils sont en Afrique et qu'on ne les a jamais vus. On peut l'imaginer, je ne sais pas, quand la Belgique colonisait le Congo, on peut imaginer qu'à ce moment-là, ça fasse rire. Mais ça ne fait jamais aussi rire que si on a un Noir à côté, hein, ou un Breton, ou un chose. La proximité aide quand même. Dans une boîte, hein, ou dans une classe, il y a toujours, hein, le rire se fait au préjudice de quelqu'un. Le seul intérêt, c'est d'arriver à le faire tourner, d'éviter que ça soit toujours le même qui prenne tout. Parce qu'à un moment, celui-là, il arrive avec une kalachnikov et puis il descend la classe. Je peux le comprendre, hein, je peux le comprendre. C'est évidemment comme ça que ça se passe. Mais le principe même du rire est légitime. Alors le fait d'aller jusqu'à dire qu'on a le droit, ce qui n'est pas faux. Hein. Ce qui n'est pas faux, pourquoi? Mais parce que le droit à l'humour, pour moi, clairement, découle du droit de critique qui découle de la liberté d'expression. Alors, toute la difficulté est de savoir ce qu'il en est entre une liberté et un droit. La liberté d'expression, tout le monde sait ce que c'est. Mais est-ce qu'on a le droit pour autant d'écrire ça? La limite se fait là, c'est-à-dire que tout le monde comprend bien qu'on a une liberté de faire de l'humour, oui bien sûr. Mais il faut déjà avoir les moyens, ce qui n'est pas si simple que ça. Et Dieu sait comme parfois des gens qui ne sont pas très intellectuels ont des capacités d'être brillants en matière d'humour, et c'est 10 fois supérieur, hein, soyons clairs. Il vaut mieux être un film bien drôle qu'un film bien chiant quand même, hein, ça c'est certain. Enfin ça dépend pourquoi, mais pour aller se délasser il vaut mieux ça quand même. Et d'autre part, à partir du moment où on définit comme principe que le rire est bon pour la santé, il faut tout octroyer. Mais bon, soyons clairs, il est évident qu'il faut indemniser à partir du moment où il y a un dommage physique. Hein, il n'y a pas à se casser la tête. Il ne faut pas commencer à dire oui, mais non. Hein, tout compte fait, je ne suis pas la cause de... C'est une question, de nouveau, c'est le même principe que pour la société qui doit tolérer qu'on rit de sa marque, qu'on rit de sa grandeur, entre guillemets, comme le roi doit accepter d'être parodié systématiquement, comme un ministre accepte, évidemment. Donc plus on est public, plus on doit accepter les atteintes portées à sa notoriété du seul fait de l'humour. Mais à côté de cette logique-là, donc cette logique basique, il est évident qu'on doit accepter, avec la même grandeur, entre guillemets, d'indemniser si on a causé un préjudice. C'est évident, l'humour ne peut pas aller au-delà du préjudice moral. Mais le préjudice moral, il ne faut pas faire semblant qu'il n'existe pas. Il est évidemment là. Ça fait du mal quand on dit espèce de je ne sais pas. Alors, je ne vais pas rentrer dans les blagues racistes parce que c'est trop facile. Ça fait nécessairement du mal. Bon, mais prenons le cas, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est prétentieux, par exemple, hein, et qu'on n'arrête pas de taper sur lui pour dire qu'il est prétentieux et de faire des blagues là-dessus en disant, je ne sais pas moi, qui paie du haut de son tas de crottins ou je ne sais pas quoi, peu importe. Hein. C'est jamais d'une délicatesse extrême, mais au moins, le but est de lui faire comprendre qu'il est prétentieux et qu'il devrait peut-être un petit peu se calmer, quoi. Hein, ou orgueilleux, tout ce qu'on veut, si on traite de coq. Je me souviens, quand on était scout quand même, on avait systématiquement le totem et le qualificatif, qui avait comme objectif, d'un côté, d'essayer quand même de trouver un référent animal par rapport à une logique physique, et puis un qualificatif lié à son tempérament. C'était jamais très comique, hein. C'était jamais comique. L'objectif, on avait rarement comme totem lionceau ou n'importe quoi. C'était plutôt une espèce de petit rat des champs, scandaleux, affligeant, et un petit singe ou n'importe quoi. C'était rarement quand même glorieux. Et puis bon, même si c'était glorieux, ça pouvait être du second degré. Hein. Parce que bon, il y a différents humours aussi. Hein. Mais oui, c'est ça, j'allais le dire. Comment on fait Un pays n'a pas le même humour. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas. Fort qu'on dit l'humour belge, le français a peut-être moins. L'américain aujourd'hui a-t-il beaucoup d'humour? Comment ça se passe, quoi? Tu vois? D'une législation à l'autre, d'un juge à l'autre, d'une personne à l'autre. Est-ce qu'on peut être incriminé pour manque d'humour? Il devrait exister la sentence inverse. S'il existe, tu as le droit à l'humour, on devrait aussi pouvoir donner comme sentence. Monsieur, vous avez singulièrement manqué d'humour en utilisant votre kalachnikov pour descendre votre voisin qui vous avait traité. Ouais. Tu vois ce que je dis? Oui, tout à fait. Mais bizarrement, l'humour est évidemment tout à fait subjectif. Hein. Ça, c'est certain. Et c'est ce qui rend d'ailleurs l'intervention du juge opportune, parce qu'il est évident que ce serait scandaleux de voir un texte de loi qui dit maintenant je vous autorise à avoir de l'humour. C'est impossible, hein, techniquement. D'ailleurs, dans l'exception parodique ou de la caricature, il est mis conformément aux lois du genre. Ça veut dire quoi, ça, les lois du genre? Ben, on a compris, quoi. C'est-à-dire que il faut faire rire pour faire rire sans faire des attaques in personam, comme on dit. Il faut donc faire des attaques in rem et pas in personam. Le meilleur exemple, c'est quand on fait une critique d'une pièce de théâtre ou n'importe quoi, ou d'un livre, il faut faire une critique de l'ouvrage, il ne faut pas faire une critique de l'auteur. On ne peut pas commencer à dire que l'ouvrage est mauvais parce que monsieur a trompé, parce que l'auteur a trompé sa femme avec... Non, on comprend bien qu'il faut rester au niveau, mais cette critique-là sur l'ouvrage peut aller très loin. On peut dire vraiment que... Enfin bon, que c'est très mal écrit ou tout ce qu'on veut. L'objectif, on peut être très très méchant dans la critique, ça ne pose pas de problème. Il est évident que le critique qui fait une insupportable critique et le lecteur qui lit l'ouvrage et qui l'aime, il va dire le critique est un mauvais critique et l'auteur est un bon auteur. Donc l'argument est toujours le même. C'est la pertinence de l'acte humoristique ou de la critique est fonction évidemment de l'intégrité de la personne qui le pose. Hein? Si vraiment l'acte est purement désintéressé, et souvent c'est comme ça d'ailleurs, hein, dans la plupart des exemples, c'est pas une personne qui fait l'acte humoristique, ils sont 4-5. Hein. En groupe, soudain, on se dit, tiens, on va faire une blague. Hein. On a tous fait ça vis-à-vis de nos professeurs, vis-à-vis de choses, aller retirer les pneus des voitures et mettre la voiture sur chose pour que voit la tête du professeur quand il doit rentrer chez lui. Bon, on a tous fait ce genre de bêtises. Hein. Donc, non, non. Ben, il n'est jamais trop tard pour commencer. Mais ces blagues-là sont souvent des blagues de groupe, c'est-à-dire qu'il y a rarement une personne, il y a une personne qui lance l'idée, et puis elle est déjà diffusée, on ne sait plus qui l'a eue. Hein. Et bon, ben, l'humour, à ce niveau-là, c'est jamais qu'une manière d'exprimer quelque chose qu'on ne sait pas exprimer autrement. Et ça fait du bien, point. Tout à fait, c'est dans le monde entier comme ça, il n'y a pas de problème. Je citais des décisions américaines, canadiennes, etc. Il y a des émissions trash qui font évidemment pas plaisir aux gens. Hein. Alors, il reste quand même un problème, parce que bon, ça c'est évident, la question de savoir quelle est la limite. Est-ce qu'il y a de l'humour interdit? Oui. Il n'est pas interdit absolument. Il est évident que traiter quelqu'un de sale youpin, ça reste une injure, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, ça ne peut pas être utilisé comme blague. Mais imaginons un juif qui traite un autre juif de sale youpin. L'injure sera... on a déjà compris, puisqu'on sait que, par exemple, l'humour juif est un humour très autoréférentiel et qu'il y a vraiment une capacité de se moquer de soi-même. On va dire, bon, ben, c'est comique, sans doute. Entre eux, un juif peut traiter l'autre de sale youpin. Par contre, quelqu'un qui n'est pas juif va nécessairement faire un acte injurieux. Donc, il y a des choses sur lesquelles on ne rit pas. Je vais donner un exemple simple. Après l'affaire du 11 septembre aux États-Unis, il y a une boîte française qui a dit « nous allons faire une soirée, machin truc, une soirée 11 septembre, c'était le 11 septembre. Hein, » bon, ils voulaient trouver une référence au 11 septembre, c'était pas difficile de la trouver. Et ils ont dit « guest star Ben Laden hein, » et parrainé par la société, je ne sais plus quoi, American Airlines ou je ne sais pas quoi, donc les avions qui avaient été scratchés. Hein, évidemment, scandale qui a été considéré, et le juge français a, à l'époque, estimé que ça ne pouvait pas être un prétexte humoristique, on ne pouvait pas faire ça. Parce que bon, c'est évidemment la société American Airlines qui s'est estimée choquée et qui a introduit. Il y a un certain nombre de décisions comme ça qui ont été faites, que ce soit dans ce cadre-là ou dans le cadre plus... Alors que le prétexte d'humour n'y était pas, hein. Un journal français qui a fait un magazine sur les risques de terrorisme équivalent en France, sur lequel il a fait une photomontage avec la tour Eiffel et un avion dont on pouvait deviner que c'était American Airlines qui s'écrasait sur la tour Eiffel. De nouveau, American Airlines a fait le procès contre le montage qui avait été fait et le juge a estimé qu'effectivement c'était attentatoire. Donc, bon, il est sans doute dans 20 ans... Mais est-ce qu'on pourra en rire, j'en sais rien, mais est-ce qu'à ce moment-là, la référence ne sera plus aussi immédiate, l'humour ne sera plus aussi interdit, mais sans doute il sera plus aussi efficace, parce que les références n'y sont plus. Il y a une quantité de dessinateurs trash, de Charlie Hebdo, d'Echo de Savane, etc., qui a fait des bandes dessinées humoristiques sur les camps de la mort, etc., etc. Et chaque fois, la difficulté, bon, il y a des mouvements évidemment de défense, de souvenirs qui ont attaqué ces bandes dessinées en disant on ne peut pas rire de ça. Et les dessinateurs ont dit oui, mais c'est justement mon éternel effet apotropaïque. Il faut peut-être en rire pour qu'au moins on en parle. Hein. Et ce sont des cas limites, c'est évidemment difficile, mais la plupart du temps, hein, le juge a fait droit à l'exception quand même, en disant la liberté d'expression va aussi jusqu'au fait de ridiculiser des situations. Hein. Parce que bon, évidemment, enfin bon, il faut lire les bandes dessinées de Villemain, etc., etc., qui ont abordé la question. Et c'est toujours délicat de voir jusqu'où on peut aller. Mais ce qui est impressionnant, c'est de voir que une caricature est plus facile à censurer qu'un article, par exemple, hein, parce qu'elle va plus loin en définitive que l'article. Elle fait un effet immédiat. On voit la caricature, un dessin de presse ou n'importe quoi, et il est trois fois plus efficace que l'article kilométrique ou l'éditorial. Le propos est immédiat, tout le monde le comprend. On en rit, on en pleure, mais on y réfléchit autrement. Hein. Et surtout actuellement, où les gens ne savent plus lire, donc ça aide. Je sais, Bernard, que tu en as peut-être parlé, mais je n'ai pas vraiment... Parce que je repose la question. Ta thèse. Oui. Donc, tu écris, tu fais un... Et qu'est-ce qu'il en ressort au bout du bout? Comment ça a été reçu? Ben donc j'ai repris. J'ai repris d'abord l'ensemble des décisions qui avaient été rendues, puisqu'au niveau législatif, ce n'était pas difficile. Hein, puisqu'il y avait un article en tout et pour tout dans une loi spécifique, ce n'est pas grand-chose. J'ai pris les 150 décisions qui ont été rendues, tous secteurs confondus. Je les ai analysées. Je les ai citées pour bien. Parce que bon. Ces décisions sont chaque fois des cas d'espèce. En l'espèce, on analyse le tempérament des deux militaires, de Warski, etc. Et c'est évidemment le contexte qui définit que l'acte est humoristique. Donc je suis obligé de citer. J'ai fait ça tout secteur confronté, je me suis rendu compte qu'il y avait en gros un critère de base qui justifiait la légitimité du droit à l'humour, c'était la bonne foi de l'humoriste. Est-ce que oui ou non son intention était intègre ou pas? C'est un concept de droit qui existe, hein, mais qui est un concept qui renvoie à l'individu. Qui ne dit pas de manière globale que toutes les blondes qui ont entre 25 et 32 ans ont le droit de faire de l'humour à l'encontre de leur patron qui en a 54. Non, c'est techniquement impossible. Il faut chaque fois analyser qui a fait à l'encontre de qui, quel est le dommage moral, quel est le dommage physique, séparer et dire qu'en définitive, l'acte au départ a une excuse légitime qui est l'intention humoristique. Que ça soit la cause au niveau civil ou l'intention le mobile au niveau pénal. Donc tout ça a été abordé, décrypté, mis sur le papier. Point à la ligne, c'est tout. Et puis après, alors, j'ai dit, bon, ben, j'ai essayé de définir des pistes pour que la bonne foi. J'ai dit, ben, dans ces différents cas, on peut accepter que. Ça ne veut pas dire pour autant que, parce que dans un cas d'espèce, deux militaires ont été acquittés de la prévention de vol, que tous les militaires peuvent voler les plaques de Kevlar de leur lieutenant. C'est une débilité de le concevoir comme ça. Donc je ne peux jamais que faire des illustrations. Hein. Et j'ai renvoyé, alors, au niveau de cette bonne foi, sur des éléments sociologiques, psychologiques et individuels, vraiment, hein, de savoir pourquoi l'humour doit être, j'allais dire, promu dans notre société. On ne rit pas assez, quoi. Donc, allons-y. Hein. Parce que, bon, il y a des décisions ridicules aussi, hein, qui ont été rendues. Et alors, j'ai mis des illustrations et des petites choses. J'ai fait œuvre humoristique. Bon, ça, il fallait mieux éviter, j'ai compris, j'ai supprimé. Ouais, les illustrations, c'est pas ce qu'il y avait de mieux, parce que bon, souvent, ce sont des parodies qui sont, je sais pas moi, la vie sexuelle de Lucky Luke. Le juge, dans son jugement, dit, attendu que le contenu de l'ouvrage correspond à son intitulé. Ben, on a compris. Hein. Donc, mais en même temps, l'intérêt, c'est aussi, dans une thèse pareille, c'est de voir jusqu'où on peut aller. Donc, ça me paraissait assez normal de mettre des illustrations qui permettent de définir clairement, plutôt que d'écrire que à première case, on voit Milou en train de se faire. Ben bon, je dirais, hein, mais c'est comme ça. C'est, est-ce que oui ou non, Tintin peut sodomiser Milou? Dans la, voilà, il est évident que les ayants droit d'Hergé n'étaient pas réjouis. On se rend compte que, par exemple, en Hollande, c'est passé en considérant que oui, il y a une exception humoristique. En Belgique, ça passe moins bien parce que bon, Hergé est quand même raisonnablement sacré, donc on ne touche pas. Il y a des auteurs comme ça qu'on ne parodie pas. Brel, on ne parodie pas. Magritte, Hergé. Les juges sont plus sensibles en disant non, c'est notre image de marque internationale. Il n'est pas question qu'on puisse commencer à exporter la vie sexuelle de hein, au Tintin en Suisse. C'est un scandale. Mais bon, on a Tintin en Suisse, en Thaïlande, au Sri Lanka. Il y en a une flopée qui sortent. Hein, c'est chaque fois adapté. Tintin en Thaïlande, ça parle de pédophilie. Et alors hein, mais chaque fois, nouveau procès, question de savoir si oui ou non on peut le faire. Concrètement, ça me paraît plus simple de mettre une planche de l'ouvrage en annexe de ma thèse. Bon, j'ai compris que les illustrations, là, on préfère quand même le texte. Mais c'est, de nouveau, c'est assez symptomatique hein, de ce genre d'éléments-là. Alors bon, le problème que j'ai, c'est qu'on me demande gentiment d'être plus sérieux. Bon, c'est pas facile, mais... Je peux comprendre. Ça me fait peur parce que c'est un petit peu la même critique que celle qu'on a faite à Bergson quand il a fait son bouquin sur le rire, quoi. Le rire de Bergson, c'est chiantissime. Alors à quoi ça sert de faire un bouquin philosophique sur le rire si c'est pour obtenir un truc? Donc je comprends qu'ils veulent être plus sérieux, mais ça me paraît un petit peu... c'est plus sérieux, c'est-à-dire essayer de trouver des pistes globales qui rassemblent, comme s'il y avait un fil rouge entre 15 décisions rendues par le tribunal correctionnel. Non, il n'y en a pas. Ce sont des cas spécifiques et des cas d'espèce. Je ne peux pas occulter le fait que ce sont des cas d'espèce. Je ne peux pas faire autrement que de les citer. Et je ne peux pas dire que le rire sera nécessairement toléré dans tel cas. C'est impossible. Et par exemple, une des critiques qui m'est faite systématiquement, c'est dit « Mais pourquoi vous ne définissez pas l'humour pour commencer ?» Je dis « Ben... je ne sais pas définir l'humour, puisque l'humour, c'est une situation de rire qui naît à partir de deux personnes, et ces deux personnes, c'est leur spécificité. Il ne faut pas confondre humour et comique. Il est évident qu'une personne qui se casse la gueule dans la rue parce qu'elle glisse sur une plaque de verglas, c'est du comique. Mais il n'y a pas d'interaction. C'est la personne toute seule avec le verglas. L'humour, c'est un acte d'expression, de révolte, qui part d'une relation entre deux personnes, qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas, mais la plupart du temps, ils se connaissent, et c'est un acte d'expression. Donc, c'est comme si on me disait, définissez la liberté d'expression. Mais ça ne se définit pas, la liberté d'expression. Ça se prend ou ça ne se prend pas, et si ça s'est pris, ça s'assume. C'est tout. L'humour, c'est le même principe. Ça se prend, ça ne se prend pas, et si ça s'est pris, ça s'assume. C'est tout. Alors, je suis un petit peu bloqué là-dedans, parce qu'on me demande d'être plus universel. Ce qui est très très difficile. Et en même temps, d'être peut-être plus sérieux. Je sais que je suis à l'Université catholique de Louvain... l'université libre de Bruxelles me fait des yeux doux en disant, mais enfin, s'ils sont insupportables et qu'ils n'aiment pas, allons, chez nous on aime l'humour. Mais je ne crois pas qu'à l'UCL, à l'université catholique, on n'aime pas l'humour. Mais c'est vrai que c'est délicat comme thèse, parce que c'est plus réellement une thèse, je n'ai pas eu à démontrer quoi que ce soit. La réalité m'a dépassé en disant que la plupart des juges n'ont pas le sens de l'humour. Ça c'est une question personnelle, c'est leur problème. Mais ils comprennent très bien qu'un acte humoristique ait pu être posé et que ça vaut excuse légitime. Alors pour l'instant, on va mettre une forme qui leur convienne mieux, peut-être, c'est une question formelle plus qu'autre chose. Mais c'est vrai que c'est marrant de voir comme ça ne correspond pas aux stéréotypes habituels du droit, ni d'une université d'ailleurs. L'université, je crois qu'une thèse, c'est sérieux. Mon objectif est peut-être aussi de dire qu'avec un sujet comique, on peut peut-être dédramatiser la logique des thèses. Qu'une thèse, ce n'est pas nécessairement trois parties, parce qu'il faut trois parties. Oui, peut-être, mais si la matière ne le veut pas, pourquoi essayer de réduire à trois parties à partir du moment où la partie la plus naturelle se pose sur cinq ou sur trois, ou sur deux, hein. C'est un petit peu ça. La grosse difficulté là, c'est que malheureusement, il y a, je crois... une certaine distorsion entre la logique académique, universitaire, qui est quand même assez doctrinaire, et puis la pratique. Or ici, la question du droit à l'humour est une question de pratique, une question de jurisprudence. Théoriquement, ne peut pas l'aboutir. Et ça, on renvoie vers la même logique de Bergson. Il y a des kilos de pages sur le rire en philosophie. Des kilos et des kilos, mais c'est jamais comique. Alors soit c'est physiologique, on dit que le rire, c'est la contraction du diaphragme entre les viscères qui machin, etc. Ce qui est assez charmant, mais enfin bon. Soit c'est impossible de justifier. Pourquoi on se met à rire soudain? C'est comme ça, c'est un réflexe. Comme pourquoi on pleure, pourquoi on crie. C'est des réflexes, une activité réflexe de l'homme, mais qui surtout est bonne pour la santé. Maintenant, il y a des cours de thérapie par le rire. Il y a 30 personnes qui se mettent ensemble en cercle et qui se mettent à rire à gorge déployée. C'est délicieux, hein. Je trouve ça très bien. Je cite ça dans ma thèse, mais ça n'aide pas, évidemment, à rendre ma thèse plus sérieuse au niveau du droit. Mais bon, on s'amuse un peu quand même. Mais j'espère simplement que ça sera... comme je le disais, vive le rire, dans le sens qu'ils vivent plus, dans le bon sens, qu'ils se développent. On n'a jamais été aussi abreuvé d'informations, etc. Donc on n'a jamais eu autant de disponibilité. Et donc cette liberté d'expression, quand elle se concrétise par le rire, c'est le meilleur moyen, point à la ligne. Donc en gros, par exemple, vive les guignols de l'info, ce genre de choses-là, c'est-à-dire cette démarche dans laquelle... on vient contrecarrer ces éléments de plus en plus sérieux par des éléments de rire. C'est ça qui est important. point à la ligne. La vie, c'est pas être abreuvé d'informations insupportables. Il y a moyen de les contourner. Bon, c'est la même information, mais elle est traitée différemment. C'est ça qui est important. Point. Donc, rire de tout, oui.